بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، إن شاء الله تعالى نكمل كذا بيوغرافي دو بروفيت عليه الصلاة والسلام. La semaine dernière, on avait parlé de l'immigration et الهجرة، هجرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. Donc on avait parlé de l'immigration des compagnons de Mecca, يعني vers Médine, من مكة إلى المدينة. Donc on avait parlé aussi de certaines paroles apportées par Cheikh Abdurrahman Al-Adani concernant l'immigration et le hijra, les définitions de le hijra. Donc je m'étais arrêté, j'avais parlé, mais je reprends un peu brièvement certaines paroles que j'avais apportées la semaine dernière concernant le hijra, d'accord, spécifique et général. On avait parlé de le hijra spécifique et le hijra général. Le hijra spécifique, comme le dit ici, je reprends parmi les paroles des savants, la parole du savant Abdurrahman Al-Adani, le hijra spécifique était le hijra de la Mecque vers Médine. Donc le hijra qu'on parle, yani, à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, cette hijra là concernant les compagnons, concernant le prophète alayhi salatu wa salam, de la Mecque à Médine, c'est une émigration spécifique, d'accord. Et toute personne était obligée d'émigrer de la Mecque à Médine, d'accord. C'était wajib, c'était obligatoire pour eux. Et ici, ils ont reçu, yani, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre le fait de ne pas émigrer à leur époque. À leur époque. C'est pour ça qu'on se doit de connaître aussi, yani, tafsir al-Qur'an al-Karim, concernant les versets coraniques, asbab al-Nuzul, les causes et circonstances de la descente des versets coraniques, quand ils ont été descendus ces versets coraniques, quand ils ont été révélés, pour quelle personne, pour quel type de personne, etc. D'accord? Pour pas se tromper, yani, et mettre un verset coranique dans un autre contexte qu'il se doit. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il parle de ceux qui n'ont pas voulu émigrer. D'accord? Ou qui auraient refuser d'émigrer. Il dit dans le Coran al-Karim, dans surat al-Anfal, mais on parle toujours de cette émigration spécifique qui concerne l'émigration de la Mecque à Médine à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est pas à notre époque, c'est à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Allah azza wa jal, quand il a parlé de cette émigration, il dit ceux qui ont cru émigrer, ceux qui ont cru et émigrer et lutter de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah azza wa jal, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, d'accord? Ceux-là sont les alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, quant à ceux qui ont cru, bien qu'ils aient cru, c'est à l'époque du prophète Aïssa, mais qu'ils n'ont pas émigré, ils ont refusé al-hijra, d'accord? Ils ont refusé cette émigration, d'accord? Allah Azza wa Jalla parle d'eux, il dit, quant à ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, ils ne sont pas vos alliés jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, portez leur secours, mais par contre un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ainsi, cette hijra spécifique, comme il dit Cheikh, ici, celle dont le hukm, jugement et l'obligation, a été abrogée par la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc on a bien compris que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce groupe de personnes dans surat al-Anfal, d'accord? De ce groupe de personnes qui ont refusé, par exemple, al-hijra aussi, d'accord? Bien qu'ils aient cru, ce type de hijra a été abrogé. D'accord? Il y a al-nasikh wa al-mansour. D'accord? Concernant al-ayat, min kitabillahi azza wa jal, et concernant al-ahadith, et concernant les récits prophétiques. D'accord? L'abrogeant et l'abrogé. D'accord? Et ici, on voit que ce verset coranique a été abrogé. D'accord? Ce verset coranique qui parle de cette émigration spécifique à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam a été abrogé par la parole du prophète alayhi salatu wa sallam qui dit il n'y a pas de hijra après la conquête mais seulement le djihad ainsi que l'intention. D'accord? Il n'y a plus de hijra après la conquête. Après Fathu Mecca. D'accord? Ou après, yani, Fathu Mecca. Donc c'était après que, ici, yani, ici que cette victoire a été remportée par le prophète alayhi salatu wa sallam et les compagnons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète, il a dit, il n'y a plus de hijra après la conquête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'intérêt de faire al-hijra de la Mecque à Médine, comme on va le voir par la suite, quand ils ont ici conquéri la Mecque. Pourquoi au début ils avaient l'ordre de faire al-hijra? Parce qu'ils ne pouvaient pas appliquer la religion comme il se doit à la Mecque. Donc à ce moment-là, c'était obligatoire, parce qu'ils ne pouvaient plus appliquer la religion, ils ne pouvaient pas appliquer la religion, yani zahiran, apparemment, comme ils voulaient. Donc c'était obligatoire. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, après la conquête, yani après Fathu Mecca, quand ils sont revenus à la Mecque, comme on va le voir par la suite, ils sont partis à Médine, ils sont revenus à la Mecque, alhamdoulilah, l'islam a pris le dessus, etc. Et il n'y a plus de hijra. Il n'y a plus de hijra, c'est-à-dire d'émigration. Est-ce que ça veut dire que, même nous, donc on applique ce hadith-là et on dit, il n'y a plus d'émigration abadan. Là, c'est pour ça que je vous dis. Ce verset coranique et ce hadith que je viens de vous citer parlent d'une hijra spécifique. C'est-à-dire qui était, yani, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. l'Hijra de la Mecque à Médine. Amma maintenant, c'est une autre ou un autre type d'émigration qu'on appelle l'émigration générale. L'émigration générale, d'accord, quelque chose de général, d'accord, c'est-à-dire c'est le fait de quitter un pays où on ne peut pas appliquer sa religion ouvertement et correctement vers un autre pays où on peut appliquer sa religion ouvertement et yani, correctement. Certains savants ont dit c'est le fait de quitter un pays non musulman pour un pays musulman. Ça c'est connu. Et d'autres savants ont poussé plus loin, d'accord, comme Ibn al-Arabi, je vous avais dit, l'imam Malik et d'autres, ils ont dit que c'était aussi une émigration obligatoire, et ils ont divergé quant au hukm, au jugement, obligatoire ou pas obligatoire, mais certains savants ont dit que c'était obligatoire, comme je vous avais dit la semaine dernière, de quitter tout pays, là je parle de tout pays où l'innovation était répandue, d'accord, ainsi que le mal était répandu, et qu'on n'avait pas les capacités d'arrêter ce mal-là, d'accord. Si tu n'as plus les capacités d'arrêter les innovations, le mal s'est répandu, el bid'a s'est répandu, et tu peux plus l'arrêter. Tu n'as aucun pouvoir bien plus que cela. Yani, on t'interdit presque d'arrêter, si ce n'est on t'interdit catégoriquement d'arrêter ce mal-là. D'accord? Et on te condamne si tu arrêtes ce mal-là. L'obligation devient, ou plutôt afwan, l'émigration devient obligatoire aussi. D'accord? Donc ce n'est pas que d'un pays musulman, ou plutôt non musulman vers musulman. D'accord? C'est de façon générale, pour avoir une définition plus complète, c'est le fait de quitter un endroit où tu ne peux pas appliquer ta religion comme il se doit ouvertement vers un autre endroit, peu importe l'endroit, vers un autre endroit où tu peux appliquer mieux ta religion. Ça c'est l'immigration qui existe à toutes les époques. D'accord ? À toutes les époques, yani dans toutes les époques cette immigration ou ce type d'immigration existe. D'accord ? Tant que bien sûr l'islam yani n'a pas pris le dessus dans l'ensemble ou plutôt sur la surface de la terre, d'accord, il y aura toujours ce type d'émigration. Donc maintenant les gens qui disent est-ce que je pars de cet endroit-là vers cet endroit-là, de ce pays-là, ils citent le pays vers un autre pays, nous disons tout simplement tu quittes un pays où tu ne peux pas pratiquer ta religion ouvertement et convenamment vers un autre pays qui est meilleur. Ah mais le fait de me dire je vais vers tel pays parce que c'est un pays musulman, point à la ligne, ça y est je m'arrête là, est-ce que ça suffit ça? Ça ne suffit pas dans tous les cas. Le but, yani, l'objectif, al-hadaf, l'objectif c'est quoi? C'est d'aller dans un endroit où tu peux mieux appliquer ta religion. C'est tout, c'est ça l'objectif principal. Les compagnons ont émigré de quoi? De laquelle terre? La terre qui est la terre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salam a dit dans un hadith al-sahih. Mecca, c'est la terre la plus aimée d'Allah azza wa jal. Ils avaient avec eux la meilleure des créatures sur la surface de la terre, Muhammad alayhi salatu wa salam. Avec ces causes-là, ils ont été obligés d'émigrer. Donc ils ont quitté la meilleure des terres vers une autre terre. D'accord, la meilleure des terres, ils l'ont quittée. Pourquoi? Car à ce moment-là, à leur époque, c'était un moment où ils ne pouvaient pas appliquer leur religion comme ils se devaient dans cette terre-là. Donc à ce moment-là, tu quittes cette terre-là, tout simplement. Ah, mais quand tu es dans un endroit où tu appliques ta religion ouvertement, et que, alhamdoulillah, il n'y a personne qui t'empêche d'appliquer ta religion ouvertement, et ça ne te pose pas, ça ne te pose aucun problème d'afficher ta religion ouvertement, à ce moment-là, alhamdoulillah, sois efficace pour la communauté, soit bénéfique pour la communauté, alhamdoulilah, reste dans ce pays-là, jusqu'à ce que tu trouves un pays encore meilleur, car nous, le musulman, cherche toujours, bien sûr, le meilleur. Yani, ala kulli hal, ça, c'était certaines paroles que j'avais apportées, yani, la semaine dernière, et j'ai voulu reprendre ces paroles rapidement, inshallah ta'ala. Donc, ici, on avait parlé de l'hijra des compagnons, d'accord? Et on sait qu'ils se sont préparés, as-sahaba, radiyallahu anhum ardahum, pour partir de Mecca à Al-Madina. Mais il faut savoir que les kuffars de Quraysh ne les ont pas laissés partir facilement. Donc ils ont retenu des gens. Ils ont retenu certaines personnes, parmi eux des faibles. Ils ont retenu des femmes. Ils ont retenu des enfants. Et yani, toute personne qu'ils pouvaient retenir et empêcher de partir de la Mecque à Médine, ils les ont retenus. D'accord? On appelle cela Alladhina yasudduna an sabilillah. Allah parle beaucoup de ces personnes-là. Alladhina yasudduna an sabilillah. Ceux qui obstruent le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ils ne veulent pas que la religion se propage. Ils ne veulent pas que la religion se propage. Donc, ils mettent des bâtons dans les roues. Ils mettent des bâtons dans les roues. Al-iyadu billah. Alladhina yasudduna an sabilillahi azza wa jal. Ce sont ceux-là qui obstruent le sentier d'Allah azza wa jal. Ils seront jamais satisfaits de toi. Tant que quoi? Tant que tu ne les satisfais pas eux. Ça, ce sont les gens qui obstruent le sentier d'Allah, Azza wa Jal wa l'Iyadu Billah, et on en trouve avec le plus grand des regrets, à plus faible degré bien sûr, tout en sachant qu'ils restent croyants, mais dans la communauté. Des gens qui, dans la communauté, empêchent d'autres personnes d'avancer, de propager la religion, wa l'Iyadu Billah, et ceux-là sont encadrés aussi par le verset coranique, Allazina yasudduna an sabilillah. Ceux qui obstruent, wa l'Iyadu Billah, le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit que, bien qu'ils ont retenu leurs femmes, comme disent les savants, ils ont retenu certains, ils ont été faire l'émigration, mais ils savaient que leurs enfants avaient été retenus par les koufars. Certains, ils ont su que leur mère avait été retenue. D'autres ont su que leur épouse avait été retenue. Hakada. Chacun, yani, avait son épreuve particulière par rapport à, yani, ceux ou considérés, ou par rapport à ceux qui étaient retenus de leur famille. Et avec ça, ils ne se sont pas arrêtés. Ils n'ont pas dit, bon, maintenant ma femme est arrêtée, ou alors mon fils est arrêté, donc on arrête l'émigration. La ghalab, fattaqullah mastata'tum, nous on reste ici, on reste avec notre famille. Abadan. Ils ont continué l'émigration. Pourquoi? Ça, ça prouve que quoi? Que, comme disent les savants, la religion. Ici, on juge les actions d'après leur application. C'est pas simplement avec la bouche. Eux, on voit ici la réalité, yani, de leur degré de foi, juste avec l'application. Comment ils ont vécu cette religion? On voit ici d'après leur comportement, as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, et c'est pour ça qu'à l'unanimité des savants, bittifaq al-ulama, les meilleurs des créatures, ba'd al-anbiya'i wa al-rusul, hum as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Après les prophètes et les messagers, à l'unanimité des savants, les meilleurs des créatures sur la surface de la terre, c'est qui? Les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Ce sont les compagnons. Vous vous imaginez qui? Ils ont émigré et certains d'entre eux ont vu leurs femmes retenues. Ils ont vu leurs enfants retenus. Ceci prouve que quoi? Ils avaient plus le souci et l'amour d'Allah et du messager que leur propre famille. Dans l'application. Ils avaient vraiment l'amour de la religion. Et leur souci principal c'était quoi? Ad-din, l'islam, la transmission de la religion. On voit dans l'application. Ça c'est des gens qui ont vu ici leurs enfants ici retenus ainsi que leur épouse, ainsi que leurs parents, etc. Et dans l'application, ils ont continué l'émigration. C'était pas facile. Pas du tout facile alors qu'ils étaient persécutés, qu'ils savaient que leur famille allait être persécutée. Où on est par rapport à eux? Et voilà pourquoi on étudie la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas simplement pour s'asseoir et dire, bon, allez, masha'Allah, l'histoire, ou cette partie de l'histoire ou de la biographie, elle est masha'Allah, elle est émouvante. Abadan, c'est pour prendre des quoi? Des morales, des leçons, al-ibar, al-idat, des exhortations. C'est pour ça la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on en a tous besoin. On en a tous besoin. Quand toi tu sais que tu es retenu quant à l'avancée de ta religion. Wahad il veut, saddaq fi sabilillah. Il veut 50 euros, shaitan il va venir. Madakhilu shayatin. Oh, madakhilu shaitan. Ça, ça fait partie des entrées de shaitan. Tu vas vouloir donner 50 euros par exemple, sabilillah. Ah, il y a le hilib à acheter pour l'enfant. Ah, bien j'ai ça à acheter. Ah, je dois aller faire les courses. T'as... Bon, allez, je donne que 20 euros. Nous, c'est simplement pour de l'argent alors qu'on sait que dans tous les cas, tu vas manger, tu vas manger. Que dire de sahaba radiallahu anhu qui se sont dit peut-être en partant, je vais perdre ma mère. L'enfant que j'ai laissé, peut-être il va mourir. Le père que j'ai laissé, peut-être il va mourir. Lakin, je dois continuer ma mission. C'est la religion avant tout. Où on est? C'est simplement, je parle pour moi le premier, hein, je dis pas que je suis mieux que vous. Abadan. Lakin, pour vous montrer où on est par rapport à notre investissement religieux. Et le souci de la religion, comme je le répète des centaines de fois. Où on est par rapport à notre souci de la religion alors qu'on voit sahaba dans l'application à quel degré ils étaient et comment ils nous ont devancés radiyallahu anhum wa ardahum. D'accord? Et on sait que sahaba, ils ont été éprouvés avec leur bien ou par leur bien, leurs enfants, etc. Et ça n'a jamais été la cause qu'ils flanchent entre guillemets, d'accord, quant à leur avancée dans la religion. Et c'est pour ça que on retrouve des compagnons. On retrouve des compagnons qui ont sacrifié énormément quant à cette période de l'émigration. On voit, comme on avait parlé dans un des sermons, la vie de Suhayb al-Rumi. On avait parlé rapidement d'un des passages de sa vie, et on avait dit que Suhayb al-Rumi, radiyallahu anhu, quand il s'était enrichi lui à Mecca, et quand il a fait le hijra de Mecca jusqu'à Medina, les Quraysh ils sont partis le voir. Les kuffars, ils sont partis le voir. Ils ont dit, toi, tu t'es enrichi, comme il aura la tête dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il a dit, toi, tu t'es enrichi sur nos dos, t'as pris de l'argent, t'as jamais à l'argent, alhamdoulilah. Et maintenant, toi, tu veux prendre la fuite vers Médine et tu crois qu'on va te laisser partir comme ça? Et donc, ici, c'est à ce moment-là que Suhayb al-Rumi, radiyallahu anhu wa arda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vous laisse tous mes biens, tout mon argent, tous les biens que j'ai amassés, je vous les laisse, prenez-les. Mais, en contrepartie, laissez-moi partir. Je pars, mais tous mes biens, je les laisse. Alors, on a entre ceux qui ont laissé leurs parents, ceux qui ont laissé leur enfant, ceux qui ont laissé leur mère, ceux qui ont laissé leur argent, ceux qui ont laissé leur commerce, ceux qui ont tout laissé. Ceux qui ont tout laissé, ayyuha al-ahbab, pour partir à Al-Madina. Awalan, parce que c'est un ordre, c'était un ordre du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Qui a reçu la révélation d'Allah Azza wa Jal. Donc on voit eux qu'ils étaient parmi les personnes qui appliquaient les paroles d'Allah Azza wa Jal. Sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. On a entendu, on a obéi. Le prophète leur a ordonné, ils ont tout laissé de côté. Ni tourné à gauche, ni à droite, ni hésitation, ils sont partis. Suhaib al-Rumi, tout son argent, prenez-le. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a appris que Suhaib avait laissé tout son argent et que l'information lui était arrivée au prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib a gagné. Suhaib a gagné. Suhaib a gagné. Regardez ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Il a gagné quoi? C'était une sorte de commerce. Une sorte de commerce. C'est comme s'il avait commercé avec qui? Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wassalam dit sur Suhaib, quant à son geste, Suhaib a gagné. Suhaib a gagné. Car Suhaib a fait une sorte de commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment dire le contraire alors qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ » Et il y a parmi des gens, et Allah Azza wa Jal a révélé ce verset coranique, « ibtida'an », on dit « ibtida'an », avant tout, en premier lieu, pour Suhaib. Et ensuite, pour tous ceux qui suivent l'exemple de Suhaib. C'est pour ça que quand on parle d'un verset coranique révélé ici sur un compagnon, ou concernant un compagnon, on dit « ibtida'an nazalat hadhihi al-aya » concernant par exemple Suhaib. D'accord? Ça c'est avant tout. Mais ensuite, ça concerne l'ensemble des personnes qui suivent cet exemple-là. Allah il dit « Et parmi, il y a parmi les gens, wa min an-nas, parmi les gens, ceux qui ont acheté, man yashri nafsahu » Ici, ils ont acheté leur propre personne. Pourquoi? Contre l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Commerce. Donc, tout son argent, il l'a donné. Pourquoi? L'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam a dit, certes, il a gagné Suhaib. Certes, il a gagné Suhaib. Ça, c'est les compagnons. Et c'est là où on voit que les compagnons sont les meilleurs des personnes. Ba'd al-anbiya et wal-rusul. Comment dire? Le contraire, quand on voit dans Sahih Muslim, juste Abu Bakr radiallahu anhu arda, comme on avait cité le hadith précédemment, où le prophète alayhi salam a dit, qui d'entre vous aujourd'hui, dans une journée, a jeûné le mois, a jeûné au jour d'aujourd'hui? Abu Bakr a dit, moi, ana ya Rasulallah, le jeûne, siyam, c'est simple, quelqu'un va dire. Et ensuite il a dit, qui d'entre vous a suivi un cortège funèbre? Abu Bakr le même, il a dit, moi ya Rasulallah. Le prophète alayhi salam, il a dit, qui a nourri un pauvre? Qui a nourri un pauvre dans la même journée? Abu Bakr l'a dit, moi ya Rasulallah, qui a visité un malade dans la même journée? Abu Bakr l'a dit, moi ya Rasulallah, le prophète Asim l'a dit, personne ne réunit ici ces quatre choses sans qu'Allah Azza wa Jal ne le fasse rentrer au paradis. Wa minhum Abu Bakr radiallahu anhu arda, dans la même journée. Alors dis-toi, toi, est-ce que moi, je suis capable de le faire aussi pour suivre le chemin des compagnons? Parce que le prophète alayhi salatu wasalam dit dans Sahih, dans un hadith authentique, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa. الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Vous devez vous accrocher à ma sunna, à ma voie, à ma méthodologie, à ma méthode, ainsi que la voie de qui? La sunna de qui? Des compagnons bien guidés. Et parmi eux, Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Donc on voit qu'on doit s'accrocher à leur quoi? À leur voie, à leur méthode, à leur comportement eux aussi. Est-ce que toi, quelquefois, tu te dis dans la journée, bon, je vais essayer de faire comme Abu Bakr radiallahu anhu arda l'a fait. Je vais essayer de visiter un malade. En même temps, je vais suivre un cortège funèbre, si l'occasion surtout vient, parce que c'est plus rare de suivre un cortège funèbre, surtout ici. Donc tu attends par exemple le moment où il y a un cortège funèbre. Tu suis un cortège funèbre, par exemple, si tu es au Maroc, Algérie ou autre. Tu suis un cortège funèbre, tu nourris un pauvre, très facile. Tu visites un malade, très facile. Et la dernière des choses, tu jeûnes ce jour-là. Le prophète Aïssa m'a dit, personne ne réunit ces choses-là sans qu'Allah Azza wa Jalla le fasse rentrer au paradis. Ça c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, où le prophète alayhi sallam a dit sur qui, a dit quoi sur lui? Ya Omar, dans Sahih Muslim, dans un long hadith, à la fin du hadith, ya Omar, wallahi, il n'y a pas un chemin que tu empruntes sans que Shaytan emprunte un autre chemin. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Regardez ce sahaba, ici, le poids de leurs actions, où on est par rapport à eux, nous, et où on est quant à l'investissement, ici, dans notre religion. Alors que eux, à leur époque, c'était extrêmement difficile de s'accrocher à la religion. Ne dites pas, oui mais eux ils avaient le prophète avec eux. Sache que peut-être t'aurais été à leur époque, non seulement t'aurais pas été avec le prophète, mais t'aurais peut-être été parmi ceux qui combattent le prophète. Alors là c'est autre chose. Peut-être, Allahu alam. Donc c'était pas facile à leur époque, attention. Ils ont été persécutés pas que moralement, physiquement. Physiquement. Nous, on n'est même pas persécutés physiquement. Et regardez déjà en flanche, quand on a une petite épreuve. Alors qu'on sait qu'on va manger. Tout le monde sait ici, alhamdoulilah, qu'il va rentrer chez lui, il veut manger. N'importe quelle personne. Alors qu'on sait très bien que l'épreuve de la famine est une des plus grosses épreuves. Et on sait très bien que le fait d'être éprouvé dans sa famille est l'une des plus grosses épreuves. Nuh alayhi salam, qui fut parmi les plus grands prophètes. Nuh alayhi salam. Et on sait que les prophètes ont les plus grandes épreuves. Les prophètes et messagers. Quelle est l'épreuve qui a été parmi ses plus dures épreuves et qui est citée dans le Coran al-Karim? Son propre fils. Son propre fils qui est mort mécréant. Regardez le degré des épreuves. Si Nuh a eu cette épreuve, c'est que le fait d'être éprouvé par un fils qui n'est pas musulman, c'est très dur. Le fait d'être éprouvé avec des gens dans ta famille qui ne sont pas dans la religion, c'est très dur. Le fait d'être éprouvé avec des pères dans ta famille, c'est très dur. Dans la famille, c'est très dur d'avoir des épreuves. Tes enfants sont touchés par une maladie, je ne sais quoi, ou ne sont pas musulmans, ou ta mère, ou alors ton père, ou ton épouse. C'est très dur dans la famille. Donc regardez les compagnons, ils ont eu les plus dures épreuves. Leurs enfants, la famine, l'argent, les parents, ils ont eu les plus dures épreuves et avec ça, ils ont toujours persisté. Alhamdulillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait leur éloge dans le Coran al-Karim et il montre l'honneur qu'ils ont et le mérite qu'ils ont. Et dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Tawba, les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين, écoutez bien, والذين اتبعوهم بإحسان. Ce n'est pas que eux. La preuve que quoi? La budda min al-ittiba'. On se doit d'avoir ce suivi-là. Pas que du prophète. Le suivi du prophète alayhi salam, mais des compagnons. Ad-dalil, ce verset coranique. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah عز وجل parle de eux. Il parle des immigrés. Et il dit, les tout premiers croyants parmi les immigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Et qui? Ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. C'est-à-dire toi. C'est-à-dire moi. C'est-à-dire nous, Inch'Allah, si on suit leur comportement. Donc la preuve que la récompense qu'Allah Azza wa Jalla va citer après, ce n'est pas que pour les compagnons. C'est pour toute personne qui suit le chemin, la sunna des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Et il dit quoi? Et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Voilà l'énorme succès. Pour qui? C'est-à-dire le paradis. Pour qui? Les compagnons et ceux qui ont suivi la voie des compagnons. Radiyallahu anhum wa ardahum. Et ça, c'est un verset coranique qui prouve et qui montre l'importance de suivre non seulement le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, mais de ceux qui ont suivi de la meilleure façon le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons. Radiyallahu anhum wa ardahum. C'est pour ça, réfère-toi, yani, à Hayat al-Sahaba. Yani, à la vie des compagnons avec des récits prophétiques authentiques. D'accord, bien sûr, parce que les histoires sur les compagnons, yani, ou des récits qui sont faibles, il y en a plein. Donc faites attention, à la kulli hal, ça nous suffit. Vous regardez juste, dans Sahih Muslim, juste on prend Sahih Muslim, vous regardez, yani, les mérites de As-Sahaba, radiyallahu anhu ardam, vous avez assez ici pour vous faire remonter l'Iman pendant des semaines et des semaines. Juste en lisant, juste dans Sahih Muslim. Sans regarder Sahih Bukhari, sans regarder, juste Sahih Muslim, vous allez voir, il y en a assez, alhamdulillah. Donc, ici, à vous de chercher les récits prophétiques authentiques concernant Sahaba dans le Bukhari, dans le Muslim, dans les récits authentiques, etc. Donc on voit ici que ça, c'est l'importance de suivre les compagnons. Et le prophète alayhi sallam, comme vous le savez tous dans Sahihain, il a fait l'éloge al-thana de Sahaba radiyallahu anhu ardahum quand il a dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum yalunahum, yani as-sahaba wa at-tabi'in wa atba'i at-tabi'in. Alors le prophète alayhi sallam dans Sahihain, il a dit les meilleurs sont ceux de ma génération. D'accord? C'est-à-dire, as-sahaba. Et sahaba, c'est quoi un sahabi? Un sahabi, c'est qui? C'est toute personne qui a, man laqiya an-nabi alayhi salatu wassalam. Wa amana bih. Et qui a cru en lui, wa mata ala dhalik. Et qui est mort, yani, sur cette croyance-là. Toute personne qui a rencontré, man laqiya habibina al-mustafa alayhi salatu wassalam. Wa amana bih. Celui-là, c'est un compagnon. Celui qui l'a rencontré, et attention de prendre la définition de dire celui qui l'a vu. D'accord, les savants, ils ont dit, la plus prépondérante, c'est que c'est une définition incomplète. Pourquoi? Parce que si on dit celui qui l'a vu, on prend juste Le mu'adhin à l'époque du prophète Al-Sum, Ibn Umi Maktoum, radiallahu anhu, qui était aveugle, donc il n'a pas vu. Si on dit man ra'a, Habibina al-Mustafa, celui qui a vu notre bien-aimé, le messager d'Allah, Ibn Umi Maktoum, parmi les personnes aveugles, ne l'a pas vu. Donc on dit man laqi, celui qui a rencontré le prophète, qui a cru en lui et qui est mort sur cette croyance-là. Parce qu'il y a des gens qui ont vu le prophète. Ça ne suffit pas de croire en lui et de mourir alors que tu ne crois plus en lui. D'accord ? Il faut être mort en étant musulman, en ayant cette croyance toujours. D'accord ? Tu crois toujours en Allah et au prophète. Là, tu es un compagnon. Toute personne qui a rencontré le prophète, qui a cru en lui et qui est mort sur cette croyance-là, c'est un compagnon. C'est un compagnon et il est appelé compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord ? Et c'est cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, plutôt Allah azza wa jalla, a glorifié dans le Coran al-Karim, ibtida'an hina maqala jalla wa ala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah azza wa jalla parle de qui? Il parle de qui quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Ibtida'an, il parle de qui avant tout? En premier lieu des compagnons, comme disent les savants. Ensuite, ça concerne tous ceux qui ordonnent le bien, interdisent le mal, qui suivent la voie du prophète, des compagnons, et qui s'accrochent à cette religion fermement et à la ferme, ou plutôt à la croyance pure et saine. Lakin ibtida'an, avant tout, ça concerne, comme on dit l'ulama, ça concerne as-sahaba, les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Et je termine ici concernant les compagnons. Le prophète Aïssam dit dans Sahih Muslim, il dit, n'insultez pas mes compagnons. N'insultez pas mes compagnons. Et ça, c'est un rad. C'est une réponse aux chiites ou al-iyadu billah qui se permettent d'insulter certains compagnons. Et le prophète alayhi salam dit dans Sahih Muslim, dans un hadith authentique, il dit la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Il dit deux fois, n'insultez pas mes compagnons, n'insultez pas mes compagnons, je jure par celui qui possède mon âme que si l'un de vous avait dépensé ou dépensé en aumône une quantité d'or équivalente au poids de la montagne de Houd, il n'obtiendra pas en récompense ce que l'un d'eux a obtenu en échange d'un moud ou de la moitié du moud de blé d'aumône. Ça pour vous montrer que on n'atteindra jamais le degré de qui? As-sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum. Ala kulli hal. Donc ça c'est concernant les compagnons. Ils ont émigré. Le prophète alayhi salatu wassalam, on avait dit comme il est relaté dans Sahihain, il a eu une révélation. Une révélation à travers, ici, un rêve. Et il dit, j'ai vu en rêve que j'ai migré. Ra'aytu fi al-manam anni uhajiru min Makkah ila ardin biha an-nakhl. Fa dhahaba wahli, ay dhanni ila annaha al-yamama. Ou Hajar. فإذا هي المدينة يثرب. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit quoi? J'ai vu en rêve que j'ai migré de Mecca vers une terre de palmiers. J'ai vu d'abord que c'était Al-Yamama et Hajar, et en fait c'était Yathrib, c'est-à-dire Al-Madina. Ici, avant, elle était appelée Yathrib. Le prophète عليه الصلاة والسلام, donc il a vu en rêve qu'il est migré. Et le prophète a ordonné aux compagnons d'émigrer, ils ont émigré. Ils ont émigré. Sauf ceux qui ont été retenus, et sauf Abu Bakr et Ali. Il y a ceux qui ont été retenus et il y a deux compagnons, grands compagnons, qui ont porté secours au prophète alayhi salatu wassalam, soutenu le prophète alayhi salatu wassalam, c'est Abu Bakr et Ali radiyallahu anhu wa arda wa radiyallahu anhuma. Abu Bakr voulait toujours partir comme il est relaté dans Sahih Bukhari. Il demandait toujours au prophète alayhi salatu wassalam comme il est relaté dans Sahih Bukhari. Il disait, ya Rasulallah, quand le départ? Ya Rasulallah, quand le départ? Il voulait Abu Bakr partir à Médine. Il voulait partir à Médine. Et attention de croire que c'était par peur, ou par crainte, ou pour prendre la fuite. Abadan, abadan, c'était pour préserver leur religion. C'était pour préserver leur religion. Si c'était simplement par rapport à l'khawf, parce qu'ils avaient peur, quelle personne pourrait oser laisser ses enfants, son épouse et sa propre mère par exemple, en sachant que peut-être ils allaient être tués et prendre la fuite? Personne ne pourrait le faire. Aucun homme ne pourrait faire ça, si ce n'est qu'un très grand lâche. Mais personne ne pourrait le faire. Mais ils l'ont fait. Ça prouve que quoi? Ce n'était pas par peur ou par crainte qu'ils ont pris la fuite. Mais c'était parce qu'ils ont fait devancer la religion sur toute autre chose. Et ils avaient le souci de la religion plus que le souci du bien-être de leur famille. Où sommes-nous par rapport à eux? Radiyallahu anhum wa ardahum. Donc le prophète alayhi salatu wassalam disait à Abu Bakr, ne t'empresse pas, j'attends l'ordre d'Allah azza wa jal pour faire al-hijra. J'attends l'ordre d'Allah azza wa jal pour faire al-hijra. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a rappelé à Abu Bakr qu'il allait yani immigrer. Et là Abu Bakr a été heureux. Dans Sahih al-Bukhari, il était heureux et il a préparé Abu Bakr radiyallahu anhu arda, il a préparé cette hijra avec deux chameaux qui nourrissaient de feuilles d'eucalyptus, et ceci 4 mois avant de faire la hijra. 4 mois avant de faire l'hijra, Abu Bakr, quand il a su qu'ils allaient émigrer, quand Allahu a'lam, mais il savait, 4 mois avant, il avait préparé 2 chameaux qu'il nourrissait avec des feuilles d'eucalyptus, comme il est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Al-akhdh bil asbab. Ça, c'est le fait de prendre les causes. Regardez, 4 mois avant, déjà, ils se préparaient. Ils n'ont pas dit, moi, je suis le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète n'a pas dit ça. Abu Bakr, moi, je suis l'assistant du prophète ou le compagnon du prophète, donc je fais rien du tout. Khalas. On laisse ici, c'est Allah qui va nous sauver, on va rien faire. Ils prenaient les causes. Les meilleurs des créatures, ayu al-ahbab, ils prenaient les causes. Quand je dis les meilleurs des créatures, le prophète alayhi salam, et après les compagnons, après bien sûr les prophètes et les envoyés, ils prenaient les causes. Et pas de n'importe quelle façon. Regardez, il y en a les façons qu'ils ont utilisées, comme on va le voir au fur et à mesure. Et le Quraysh ont su que même le prophète alayhi salatu wassalam allait faire l'immigration. Ils ont su. Bouche à oreille, téléphone arabe, vous connaissez, ils ont su. Ils se sont dit, ça y est, le prophète va partir aussi. Donc ils se sont dit, on peut pas laisser le prophète partir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ils se sont réunis. Ashura. Ils se sont réunis. D'accord? Et ils se sont réunis pour prendre une décision, ou plutôt trouver une solution pour empêcher le prophète, alayhi salatu wassalam, de faire l'émigration. Ils se sont réunis dans ce sorte de parlement. D'accord? Qu'on appelle Darun Nadwa. Darun Nadwa, c'est un sorte de parlement qu'ils avaient, d'accord, où ils se réunissaient, et pour prendre des décisions. Donc il y a différentes décisions qui ont été apportées. Certains ont dit, on va le tuer. D'accord, on va le tuer, et en l'emprisonnant et en lui coupant toute vivre, toute nourriture, et on va le laisser mourir, on va le tuer. D'autres, ils ont dit non. Ils ont dit, on va pas l'emprisonner jusqu'à ce qu'il meure. Mais ce qu'on va faire, on va le bannir de la Mecque, on va le chasser, on va le bannir, etc. Et Abu Jahl, la'anatullahi alayhi, il est venu, qu'Allah le maudisse, il est venu, il a proposé une chose. Il a dit, regardez ce qu'on va faire. Il a dit, eux, ils ont le clan des Banu Hashim. Le prophète Hassan, il vient de la tribu de Banu Hashim. Il a dit, nous, ce qu'on va faire, on va prendre toutes les tribus, yani, qu'il y a à la Mecque. On va prendre Cheb, un jeune, qui est, yani, docile, qui est fort, de chaque tribu. D'accord? Pour renforcer ici, cette attaque-là. De chaque tribu, on va prendre un jeune, et on va lui donner une épée, et on va leur ordonner d'attraper le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il sortira de chez lui, pour le tuer. D'accord? Donc, ils vont, yani, chacun, ils avaient l'intention de tuer le prophète, alayhi salatu wassalam, chaque jeune de chaque tribu. Pourquoi? Ils ont dit comme ça, même si Banu Hashim veut se rebeller après quant à la mort, c'est-à-dire du prophète, alayhi salatu wassalam, ils seront que quoi? C'est toutes les tribus qui ont participé. Donc, soit ils s'attaquent à toutes les tribus, soit ils demandent à Diyah, le prix du sang, simplement. Car ils avaient le prix du sang à l'époque. Donc, ils ont dit, après nous, ça ne nous cause pas de problème, on donne le prix du sang. Ils seront obligés de prendre le prix du sang. Intah al-amr. La chose est terminée, l'histoire est finie. Alhamdulillah. Regardez la technique. La technique qu'ils avaient, la ruse qu'ils avaient. Walakin dans le batil. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, qul ja'a al-haq wa zahaqa al-batil, inna al-batil kana zahuqa. Comme Allah Azza wa Jalla dit, la vérité est venue, et le faux s'en est allé, le faux est voué à quoi? Disparaître. Même si les kuffar, les non-musulmans, ou alors les criminels, al-mujrimoun, ou bien les gens, yani, qui sont contre la religion, ou qui te veulent du mal, même s'ils sont extrêmement intelligents, ils ont de très grandes ruses, ils utilisent des techniques incroyables, wallahi al-azim, si toi tu as le haq avec toi, et toi, tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et tu suis la vérité, leur ruse retournera contre eux. Leur ruse, leur stratégie, leur stratagème retournera contre eux, comme on va le voir ici. Comme on va le voir ici, vous allez voir pourquoi je vous dis, ceci concerne l'ensemble des musulmans qui s'accrochent à la vérité. Et ce n'est pas particulier au prophète et à Abu Bakr. Pourquoi? Vous allez voir qu'est-ce qu'on dit, yani les compagnons, qu'est-ce qu'on dit les savants concernant la situation qu'on va décrire, incha'Allah ta'ala. Donc ici, Abu Jahl a donné, yani, cette proposition qui a été accordée à l'unanimité. Ils ont dit, d'accord, on va faire, yani, on va utiliser cet avis-là que tu as proposé. Donc ils ont réuni les gens, etc. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jalla, il a parlé de ça, de ses stratagèmes, le fait qu'ils voulaient le tuer, le fait qu'ils voulaient le bannir, le fait qu'ils ont comploté contre lui. Quel est le résultat? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ D'accord? أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُوجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Donc on voit que ça ne concerne, ça concerne ibtida'an, on dit toujours le prophète, alayhi salam, cette situation, quand on regarde asbab al-nuzul. Lakin, ça c'est pour toute personne, et c'est un message à toute personne, qui veulent faire du mal à une personne qui est sur la vérité, qui s'accroche à la croyance ferme et qui est sur le haq, et qui veut du mal à la religion, ça s'adresse à lui, ces versets coraniques et ces paroles coraniques. D'accord, c'est général. Al-Qur'an, al-Karim, comme disent les savants dans Usul al-Tafsir, comme on l'avait vu, une parole même qui est descendue concernant une parole d'Allah Azza wa Jalla, un compagnon ou bien le prophète ou une époque bien spécifique, tant qu'il n'y a pas un dalil, une preuve que c'est spécifique à un groupe de personnes, une personne ou une époque, c'est général. C'est général. D'accord ? Allah Azza wa Jalla dit, et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi. Rappelle-toi, c'est qui ? Mohammed alayhi salatu wa salam. Oh toi Mohammed, rappelle-toi, quand les kuffars, ils ont comploté, yani contre toi pour t'emprisonner. Vous comprenez mieux. Là on comprend mieux au travers de la sirah, afwan, la biographie du prophète alayhi salam, on comprend mieux le Coran al-Karim, comme disent les savants. Si tu veux comprendre bien le Coran al-Karim, étudie la biographie du prophète. Maintenant tu vois, quand tu entendras ce verset coranique, tu vas comprendre pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a dit, quand ils ont voulu t'emprisonner. C'est qui a proposé ça? C'est les dans Dar al-Nadwa. C'est les kuffars de Quraysh. Donc ils ont voulu l'emprisonner, ils avaient proposé ça. Quand ils ont voulu t'emprisonner, ou t'assassiner, ou te bannir, parce qu'ils ont proposé de le bannir. Mais à la fin, ils ont pris la vie de Abu Jahl, on l'assassine. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla dit, ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est meilleur en stratagème. Sourate 8, verset 30. Mais Allah est meilleur en stratagème. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Subhanahu wa ta'ala. Donc là, ici, à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wa salam a reçu l'ordre d'émigrer. Il a reçu l'ordre d'émigrer de la Mecque à Médine. Et dans Sahih al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il y a Aïcha radiallahu anha wa ardaha qui nous rapporte ces faits-là. Et elle dit, on était chez Abu Bakr. Donc Abu Bakr, c'est le père de Aïcha radiallahu anha wa ardaha wa radiallahu anhu. Donc ici, Aïcha, elle dit, on était chez Abu Bakr. Quand le prophète alayhi salatu wa salam est venu à une heure inhabituelle. À une heure inhabituelle. Donc ici, Abu Bakr, quand il a vu le prophète alayhi salam venir à cette heure-ci, il s'est dit, obligatoirement il y a quelque chose. S'il vient à cette heure-ci, c'est qu'il y a quelque chose. Donc ici, Aïcha raconte, et elle dit ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam, quand il est entré, il a dit ici à Abu Bakr, sors ta famille. Sors ta famille, parce qu'on doit parler. D'accord ? Et là, ici, Abu Bakr a dit, Ya Rasulallah, ma famille c'est ta famille. Ma famille c'est ta famille. Donc ensuite le prophète alayhi salatu wa salam a continué. Et là ensuite il lui a dit, Allah m'a autorisé de faire al-hijra, l'immigration de la Mecque à Médine. Et Abu Bakr a été content. Et il a dit, est-ce que je serai en ta compagnie? Est-ce que je serai en ta compagnie? Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Naam, tu seras en ma compagnie. Et le prophète alayhi salatu wa salam, ici, était heureux bien sûr d'annoncer cette nouvelle à Abu Bakr, et Abu Bakr fut énormément heureux d'accompagner la meilleure des créatures sur la surface de la terre pour faire l'immigration de la Mecque à Médine, pour le secourir, pour le soutenir. Et donc ici, le prophète alayhi salatu wa salam a annoncé à Abu Bakr radiallahu anhu arda que ça y est, ils allaient quitter la Mecque vers Médine. Et ensuite, Abu Bakr ici avait préparé les deux chameaux. On avait parlé des deux chameaux, d'accord ? Il avait préparé les deux chameaux, et regardez bien, il a pris les deux chameaux, Abu Bakr. Et il a dit au prophète alayhi salatu wa salam, voilà les deux chameaux que j'ai préparés, choisis un chameau. Voilà les deux chameaux que j'avais préparés, choisis un chameau. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wa salam? Al-thaman. Il a dit le prix à Abu Bakr, le prix. Ça veut dire quoi le prix? Il a dit je paye. Il a dit tu me les donnes pas, je les paye. Il a dit je prends le chameau, pas trop, mais je paye. Al-thaman. Et Abu Bakr a pris. Regardez l'éducation, ayyuha al-ahbab al-adab. La politesse, le prophète alayhi salatu wa salam, qui est un messager, qui est le prophète, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, qui fait l'immigration avec Abu Bakr radiallahu anhu arda, il a des révélations venant ici d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Ici, le prophète alayhi salam dit ça y est, on va quitter la Mecque vers Médine. Abu Bakr lui dit tiens un chameau, il dit non, je paye le prix. Je paye le prix. Regardez. La preuve que quoi, le prophète alayhi salam éduque aussi la communauté à quoi? À ne pas dépendre des gens. Alors qu'ici, il aurait pu dire, bien sûr, c'est pour mon bien, pour ton bien, c'est pour l'intérêt de la communauté, bien sûr, je le prends le chameau, de toute façon, on va partir, tu les avais préparés, etc. En plus, Abu Bakr, il avait de l'argent, etc. Non, le prophète alayhi salam, il a dit, je le paye, éducation. Ne demande pas aux gens. Et ne va pas au-dessus de tes capacités. Ça, si on va dire une daroura, une nécessité, ils doivent partir, il y a leur vie en danger. Ils sont en train de jouer, entre guillemets, bon c'est pas des termes très appropriés, mais on va dire, là c'est l'importance de da'wa, ou alors c'est ad-da'watu ilallahi azza wa jal qui, entre guillemets, j'aime pas trop cette expression, mais ala kulli hal, qui se joue. Mais le prophète alayhi salam n'a pas dit, ou n'a pas été dépassé par les événements, il dit, al-thaman, je paye. Et ça c'est une éducation pour nous, faut pas dépendre des gens toujours. Ou dès qu'on te propose quelque chose, tout de suite, oui, d'accord, je prends. Ah, le prophète alayhi salam, il a dit, quand on te donne un cadeau, tu prends et tu te tais. Le prophète, il a dit, ah non, c'est un... Non, toujours au moins al-adab. Non, barakallahu fik, je paye. Si la personne assiste, c'est un cadeau, c'est autre chose. Lakin, il y a la politesse. Un, on ne dépend pas des gens. On ne va pas demander toujours, tiens, t'as pas de l'argent, t'as pas ceci. On ne va pas s'endetter. Al-muslim hur, il est, alhamdoulilah, il est fier. Il ne dépend pas des gens. Il ne s'endette pas, wal-iyadu billah, jusqu'à ce qu'il arrive à des dettes impossibles, wal-iyadu billah. Ça, ce n'est pas le comportement du croyant. Jusqu'à ce que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dit quoi dans un hadith al-sahih? Ici, même le shahid, le martyr, tous ses péchés sont pardonnés, sauf ad-duyun, sauf les dettes. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a eu un mort, ayyuhal ahbab al-sahabi, il est mort, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Priez sur votre frère. Pourquoi? Il avait des dettes. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tiens, chameau, il dit, je paye. Regardez un peu le musulman comment il est. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on entend, celui-là, il est endetté. Celui-là va dans un magasin, tu regardes le cahier de dette, il doit 800 euros. Celui-là, il a 600 euros. Que des dettes. Alors, quand tu vas chez les kuffars, va au centre commercial géant et va à la caisse et tu vois, je vous paye après. Ah ben, il n'y a pas de dette ici. Tu prends, t'as faim, tu manges, sinon tu pars. C'est comme ça. Il n'y a pas de dette. Tu vas dans un magasin, il y a écrit 50 euros. Va voir, centre commercial géant encore au Carrefour, je ne sais où. Va prendre le, n'importe quel magasinier ou je ne sais qui et va lui dire, bon, il y a moyen de négocier le prix. Je dis, mais il y a le prix ici. Vous voulez prendre, vous prenez, vous voulez pas, salut. Regardez un peu. Et nous, les musulmans qui avons l'islam et tout le monde s'endette. Alors tu vas du simple épicier dans un pays musulman ou je ne sais où, alors tout le monde a un cahier de dette. Jusqu'aux musulmans, quand ils arrivent dans les pays non musulmans, ils trouvent encore le moyen de s'endetter. Mais c'est quoi cette habitude-là? Et ça, c'est, Allah al-Adim, c'est une calamité qui a touché les musulmans. Illa man rahimallahu azza wa jal. Le musulman, il dépend de personne. Alhamdulillah, il demande à Allah azza wa jal. Wa idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de demander. Dans ce hadith, les savants disent quoi? C'est quand tu demandes qu'à Allah azza wa jal. Et quand tu cherches secours auprès d'Allah azza wa jal. Ça te rappelle que quoi? Quand tu demandes, quand tu invoques pas les gens. Sinon tu tombes dans le shirk. Invoque Allah Azza wa Jal. Quand tu cherches secours, tu ne vas pas chercher secours chez un mort ou chez un wali ou chez un djinn. Cherche secours auprès d'Allah. D'accord. Mais les savants disent aussi, ça nous montre que quoi? Yukra, c'est détesté de demander aux gens alors que c'est autorisé. Lakin, c'est détestable de demander à chaque fois des choses aux gens, parce que si on dit c'est haram, tu as un péché. De demander aux gens, par exemple, prête-moi de l'argent, ou alors yani, aide-moi ça, ou alors aide-moi ce projet, ou alors... C'est détestable de demander à chaque fois aux gens. Parce que ce n'était pas le comportement du prophète et des compagnons, radiyallahu anhu wa ardahum. Ils se débrouillaient tout seuls au maximum. Quand vraiment tu es dans une nécessité, tu as besoin d'aide, la demande de l'aide. Mais c'est pas, tu cherches toujours la facilité. Alors la personne, toujours tous les deux secondes, il demande à quelqu'un. Tu peux me prêter de l'argent, tu peux me déposer là, tu peux me prêter ta voiture, tu peux me prêter ceci, tu peux me rendre service, tu peux venir avec moi. C'est quoi ce comportement? Al-mu'minul qawi khayru wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if. Le croyant fort, il est plus aimé, préféré auprès d'Allah que le croyant faible. Et le prophète Ali Sam dit dans le hadith al-sahih rapporté par Muslim et d'autres, et dans les deux il y a un bien. Alhamdulillah, dans les deux il y a un bien. Mais le croyant fort, il est préférable, c'est pas physiquement. Lakin c'est par rapport à sa croyance, par rapport à son iman, par rapport à sa fermeté quant à sa religion, par rapport à ses convictions religieuses. C'est ça le croyant. Alhamdulillah, il dépend de personne. Il reste, alhamdulillah, au contraire lui, il aime aider. Mais il n'aime pas être aidé. Pas par orgueil, mais pour montrer que quoi? Quand je demande quelque chose, soukala Allah et azza wa jalla. Je peux demander de l'aide à mes frères, il n'y a pas de souci, mais pas trop, yani, à l'excès. Et ça, c'est une éducation à prendre de ce hadith, comme disent les ulama, rahimahumullahu ta'ala. Et Aïcha, radiallahu anha wa ardaha, elle dit, nous filme les préparatifs du voyage pour eux, donc elle a préparé plusieurs, yani, vivres et provisions pour eux. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, ainsi qu'Abu Bakr, se mirent d'accord pour partir la nuit. Ils se sont mis d'accord, ils ont dit, on part la nuit. On va partir la nuit vers un endroit qui s'appelle, ou une montagne qui s'appelle Al-Thawr. Donc, ce qu'on appelle Ghar Al-Thawr, c'est-à-dire la caverne de ce mont ou cette montagne qui est Al-Thawr. Ils se sont dit, on va partir la nuit dans cette caverne-là, on va rester trois nuits dans cette caverne-là, d'accord? Et ensuite, on va continuer notre émigration. Donc, ils ont joué, une certaine tactique ici, comme vous allez le voir. Donc, ils n'ont pas dit, on part n'importe comment, avec n'importe quelle provision, ou on va partir à pied, ou à n'importe quel endroit. Non, ils ont calculé. Ils ont fait leur plan, ils ont fait leur projet. D'accord, c'est pas je trouve que Allah Azza wa Jal, je vais faire mes yeux et voilà. Subhanallah. Comme il y a des gens qui disent qu'ils vont juste en vacances au Maroc ou je ne sais où, il prend sa voiture, il n'a même pas regardé l'huile, il dit tout que Allah. Il sait même pas s'il y a de l'huile dans la voiture. C'est tout que Allah. Ça c'est un égarement ça. Comme ils disent les savants, al-akhdhu bil asbab hada yadkhul fi at-tawakkul. Ça rentre dans at-tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, bien sûr. Le fait de prendre et d'utiliser les causes. Donc ils ont dit, on va partir dans cette grotte et on va rester pendant trois nuits. Et le prophète, alayhi sallam, prit le chemin du Yémen, c'est-à-dire vers le sud. Alors que tout le monde sait que quand on est à la Mecque, Médine c'est au quoi? C'est au nord. Médine c'est au nord de la Mecque, c'est pas au sud. Le Yémen, ça donne vers le sud de la Mecque. D'accord? C'est vers le sud. Mais Médine c'est vers le nord. Le prophète est parti vers le sud. Pourquoi? C'est clair. C'est une tactique pour faire détourner ici ou pour pas qu'ils le suivent, pour leur donner une certaine déroute. D'accord? Donc on voit, regardez le prophète, il a utilisé des stratégies. Il a pas fait les choses bêtement. D'accord? Et ensuite, il avait engagé un guide. Le prophète, il avait engagé un guide. Qui était musulman ou pas? Il n'était pas musulman. C'était un guide qui était non musulman. D'accord? Un guide, mais, comme on dit les savants, c'était un guide de confiance. Qui était non musulman. Un guide de confiance. Le prophète, il l'a engagé. Il a engagé ce guide-là pour les diriger pendant la route-là. Donc, ils lui ont donné les chameaux et donné rendez-vous dans la grotte après les 3 jours. Ils lui ont donné les chameaux, ils lui ont dit, toi, tu nous rejoins dans cette grotte-là après 3 jours. Donc, eux, ils voulaient dérouter un peu les koufars. Ils se sont dit, on va rester cachés dans la grotte 3 jours. Ensuite, tu nous rejoins à la grotte et on part ensemble. D'accord? Les savants, ils ont dit donc, ici, on voit qu'on peut demander de l'aide même d'un non-musulman. Ad-Dalil, c'est ce hadith authentique. D'accord? Même d'un non-musulman. Attention. C'est pas comme ça. C'est pas d'un non-musulman, c'est tout. D'un non-musulman, si tu sais que il y a bénéfice pour la religion ou pour la communauté. D'accord? Et que ces causes-là ne sont pas contraires aux lois islamiques. D'accord? Tu vas pas demander de l'aide à un non-musulman pour faire du mal à un musulman. C'est un égarement total. Tu as le droit de demander de l'aide à un non-musulman. Un non-musulman peut te venir en aide. On a vu qu'il y a des koufars qui sont venus à l'aide du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a pris un guide non musulman, lakin quand tu sais qu'il y a intérêt pour la communauté ou pour la religion. D'accord? Ici, à défaut d'avoir ou de porter atteinte à des musulmans, bien sûr, on ne doit pas porter atteinte à des musulmans ou à l'islam en cherchant secours avec des non musulmans, ça c'est clair. Mais à partir du moment où ça cause aucune atteinte aux musulmans, alhamdoulilah, ni à la religion, et tu cherches du secours avec les non musulmans, ça, il n'y a pas de problème, le dalil. Voilà, le prophète alayhi salam, il a pris ce guide. Il y en a non musulmans. Et au départ, le prophète alayhi salatu wassalam chargea Ali, vous connaissez cette histoire qui est authentique, Ali radiallahu anhu arda, de dormir à sa place. Parce que eux, ils se sont dit, on n'oublie pas l'avis de Abu Jahl, qui avait dit ce qu'on va faire, chaque tribu, on va prendre un jeune de chaque tribu pour tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Ce qu'ils se sont dit, on va aller devant la maison du prophète alayhi salatu wassalam, et ici, on va tuer le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Pendant qu'il dort, on va tuer le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam, il est passé devant eux, et Allah subhanahu wa ta'ala les a aveuglés. Le prophète est passé devant eux, ça fait partie des miracles du prophète alayhi salatu wassalam, al-mu'jizat, d'accord? Et al-mu'jizat, c'est spécifique khas lil-anbiya et wal-rusul. Ça, c'est spécifique aux messagers, d'accord? Plutôt aux messagers, d'accord? Amma, quand on dit, nous, que quelqu'un a, certains, on va dire, karamet, d'accord? C'est des sortes de miracles, d'accord? On va dire aussi, où c'est des miracles, mais qui sont général, ça c'est le karamat. Amma al-mu'jizat, ça c'est spécifique aux envoyés. D'accord? Le prophète alayhi salam a eu ce miracle là, c'est le fait de sortir devant eux et ils ont été aveuglés. Certaines versions, certains rapportent que le prophète alayhi salatu wasalam a pris du sable et a jeté sur leurs yeux. Ala kulli hal, c'est peut-être vrai. Moi je n'ai pas vu de récit authentique sur ça d'après mes recherches, donc je m'arrêterai là. Ce qui est authentique, c'est que quoi? Le prophète est passé devant eux et Allah azza wa jalla les a aveuglés. Et Ali radiallahu anhu wa arda a pris la place du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand ils ont voulu tuer le prophète, ils ont vu que c'était Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa arda. Donc Ali était prêt à sacrifier sa vie pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il a pris la place du prophète alors que quoi? On lui a dit, bon, ils veulent venir me tuer, prends ma place. Masha'Allah, quelqu'un va dire ça. La soirée, les gens, ils veulent venir me tuer, prends ma place. Et masha'Allah, incha'Allah, n'tlaqo fil jannah. Qu'est-ce qu'il va te dire? Même s'il te dit oui, d'accord. Mais attention, faut pas oublier comme disent les savants, comme certains disent le mot, marhaba biha. Elle vient quand elle veut le mot, c'est pas grave, moi je suis prêt à le mot. Hein, surtout les personnes âgées disent ça, mashallah. Moussa alayhi salam, dans le hadith al-sahih, Moussa alayhi salam, vous connaissez cette histoire, ce hadith authentique. Quand Allah azza wa jalla envoyé Malak al-Mout pour prendre son âme, Moussa alayhi salam, parmi les plus grands prophètes, qu'est-ce qu'il a fait Moussa alayhi salam? Il a fait quoi Moussa alayhi salam? Il l'a giflé, il lui a crevé un œil. Moussa alayhi salam, hadith en sahih. Les ulama, ils disent, Moussa alayhi salam, il avait eu quoi, cette crainte de la mort. Moussa alayhi salam, il a giflé l'ange et il lui a crevé. Et l'ange est parti se plaindre à qui? À Allah azza wa jalla, Malak al-Maut. Moussa alayhi salam, réputé pour être très fort. Hein? Moussa alayhi salam, il a tué quelqu'un avec un, de Benou Israël avec un coup de poing. Donc, Moussa alayhi salam, il a eu peur de la mort. Les ulama, ils disent, non, on va pas avoir peur de la mort. Nous ne savons pas dire qu'on ne veut pas la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Abadan. Nous, on reste entre Al-Khawf ou Al-Raja, comme on avait déjà expliqué. La peur et l'espérance. Lakin, c'est normal que tout le monde a peur de la mort. Parce qu'on sait qu'on fait des erreurs jour et nuit. Moussa alayhi salam, il a réagi comme ça. Comment on va réagir? Et regardez Ali ibn Abi Talib, mutma'in, apaisé. Il a pris la place du prophète alayhi salatu wa salam. Min al-mu'minina, rijal, sadaqu ma'ahadu Allah alayhi. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Allah, il parle des croyants. Des croyants, pas n'importe quel croyant, des compagnons particulièrement. Parmi les croyants, il y a des hommes. Il y a des hommes. Et plus loin, Allah Azzawajal dit quoi concernant ces hommes-là? وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ils n'ont changé en rien leur comportement. C'est-à-dire, d'après, même quand il y a eu les tempêtes, les épreuves, les problèmes, les razawats, les expéditions, les guerres, ils sont restés fermes quant à leur croyance. Fermes. Quant à leur soutien envers le prophète alayhi salatu wa sallam, wa ma baddalu tabdila. Ça c'est les compagnons. Ali ibn Abi Talib, il a pris la place du prophète. Adi. Et là on voit ici la valeur des compagnons encore une fois ici d'après ce hadith là. Donc ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam est parti dans la grotte Al-Thawr et ces gens-là ont eu la rage. Donc ceux qui avaient monté ça. Donc les kuffars, ils ont eu la rage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé notre technique. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Et ça prouve encore quoi? Ça prouve encore quoi? Que quand quelqu'un, en général, s'attaque aux musulmans, ce n'est pas à leur personne, mais c'est à l'islam. Quand on voit des gens qui s'acharnent sur des musulmans, ce n'est pas sur les musulmans en tant que personne humaine, parce qu'ils ont des défauts, c'est à l'islam. Pourquoi? Regardez la première immigration c'était quoi? De Mecca jusqu'à Ardul Habasha, d'accord, en Abyssinie. Quand ils ont immigré vers l'Abyssinie, est-ce que les Quraysh, les Kuffar, ils les ont laissés ou ils les ont suivis? Ils les ont suivis. Les savants, ils disent quoi? Si c'était simplement eux qui les dérangeaient, c'était pas la religion, ils les auraient laissés, ça y est, ils sont partis, khalas. Donc ça y est, maintenant ils sont partis, ils nous laissent tranquilles, ils les ont suivis. La preuve, c'est la religion qui les dérange. Là, quand ils sont partis de Mecca à Al-Madina, ils auraient pu dire, bon ça y est, maintenant ils sont partis, on est tranquille à la Mecque. Pourquoi ils n'ont pas voulu les laisser partir? Ils voulaient les tuer encore. Et pourquoi ils ont même encore continué à monter des ruses et des tactiques et des techniques? Pourquoi? Parce que c'est pas eux qui voulaient simplement, mais c'était, ils en avaient après la religion. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quand les gens s'acharnent, en général, sur les musulmans, c'est pas sur les musulmans en tant que personne, mais c'est par rapport à la religion de façon générale. Parce que même si ces musulmans partiront je ne sais où, eh ben, ils trouveront encore le moyen de parler de l'islam. Et c'est pour ça qu'on entend toujours parler de l'islam, et bien sûr, avec le plus grand des regrets, de la façon où, en général, en mal, mais alhamdulillah, yani hikmatullah azza wa jalla, c'est une des sagesses d'Allah azza wa jalla par laquelle bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala rubbama, peut-être Allah azza wa jalla il teste sûrement les croyants pour voir leur fermeté et leur conviction quant à leur investissement religieux. Donc ici ils ont proposé quoi? Ils ont dit bon maintenant on donne 200 chamelles à toute personne qui rattrape mort ou vif Abu Bakr et le prophète alayhi salatu wa salam. Ils ont dit maintenant on va jouer avec l'argent. Donc tout le monde s'est excité à la Mecque. Donc ils se sont dit, c'est bon, il faut qu'on les ait. Ils se sont dit, il faut qu'on les attrape absolument. D'accord? Et donc là, ils ont commencé tous à yani, comploter, comment on va trouver, chercher, les bouches à oreilles, téléphone arabe, qui a entendu parler d'eux, etc., etc. Pendant ce temps-là, yani, il y avait le prophète alayhi salatu wasallam qui était avec Abu Bakr et avec Abu Bakr, donc dans la grotte. D'accord? On avait dit pendant 3 nuits. Quand ils étaient dans la grotte, vous connaissez l'histoire, très connue, quand ils sont arrivés près de la grotte, d'accord, ils avaient suivi les traces du prophète alayhi salatu wassalam, et ils sont arrivés près de cette grotte-là. Et là, à ce moment-là, qui était dedans? Abu Bakr et le prophète. Ils étaient à la grotte, dans la grotte-là. Ils étaient dans cette grotte-là. Ils étaient juste à côté de la grotte. Certains disent qu'il y avait quoi? L'araignée, une toile d'araignée. C'est authentique ou pas? C'est daif. Qui a dit que c'était daif? Ici, il y a un hadith, c'est... Il a été rendu faible par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Mais d'autres savants, ils ont dit, il est hassan. Hassanun li ghayrih. On avait vu ça, yani dans, concernant les, yani, mustalah al-hadith, etc. On avait parlé un peu de ça, de concernant les hadiths, hassanun li ghayrih, etc. Ils ont dit qu'il est hassan par rapport à quoi? Il y a plusieurs textes, d'accord, qui sont en concordance, yani, mais qui sont faibles. Mais les uns et les autres rendent ce récit hassan. C'est pour ça qu'on dit hassanun li ghayri. Par d'autres que lui. D'accord? C'est-à-dire, il a atteint le degré de bon par d'autres que lui. D'accord? Yani, ça, certains savants l'ont dit. d'accord, qu'il atteint le degré de bon. Mais le hadith en lui-même, je dis en lui-même, ça c'est partir de connaissance, pour pas se précipiter à dire, ouais, c'est daïf. Certains savants l'ont dit, d'accord, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de hadiths qui renforcent ce hadith-là. À la kulli hal, Cheikh l'Albani lui dit, c'est un hadith daïf. Le fait qu'il y a la toile d'araignée, etc. À la kulli hal, on passe, qu'il y a la toile d'araignée ou pas. À la kulli hal, ce qu'on est sûr, c'est que quoi? Le prophète alayhi salatu wa salam et Abu Bakr radiallahu anhu arda ont été protégés, d'accord, par Allah Azza wa Jal. Ils étaient là jusqu'à ce qu'Abu Bakr radiallahu anhu arda, il a dit quoi, ya Rasulallah, law nadara ahaduhum tahta qadamay, la ra'ana. Si quelqu'un d'entre eux, ya Rasulallah, il regarde juste comme ça, en dessous ses pieds, il va nous voir. Donc ça prouve que quoi, ils étaient vraiment proches. Regardez, ils étaient vraiment proches. Imaginez-vous, les ennemis sont juste à côté de vous. Il n'y a rien, ou si ce n'est que, ou quasiment rien qui vous sépare d'eux. Ça y est, vous êtes vraiment à côté d'eux. Il dit jusqu'à ce qu'il dise à Abu Bakr radiallahu anhu, si juste quelqu'un baisse sa tête, il va nous voir. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, bikulli thiqa, avec toute confiance, avec toute certitude, avec toute confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma, ya Abu Bakr, la tahzan, inna Allah ma'ana. Voilà le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Ya Abu Bakr, avec toute sérénité, avec toute confiance, il dit, que dis-tu de deux, dont le troisième est? Et Allah subhanahu wa ta'ala. Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Et Allah Azza wa Jal, il parle de cette situation dans le Coran, dans le verset coranique, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibih la tahzan inna Allah ma'ana al-ayat. Donc Allah Azza wa Jal, il parle de cette situation. Et il dit dans le Coran al-Karim, il dit, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'ils disaient à son compagnon, la tahzan inna Allah ma'ana, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal fit alors descendre sur lui. Ah, Allah Azza wa Jal fait descendre sur lui. Fa anzala Allah sakinata alayhi. As-sakina alayhi, ala man? Ala Abu Bakr. Pourquoi Abu Bakr? C'est lui qui s'acquitte. Voilà, les savants ont dit qawlu raj' min ahli al-'ilm, ils ont dit que la sakina là, elle est descendue pourquoi? Sur Abu Bakr, parce que le prophète alayhi salam, il était déjà raffermi, alhamdulillah. Il était déjà serein et il a déjà réconforté. Lakin as-sakina, la sérénité est descendue sur Abu Bakr radiyallahu anhu arda dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui la sérénité as-sakina et le soutien de soldats anges que vous ne voyez pas, et il abaissa ainsi la parole des mécréants tandis que la parole d'Allah eut le dessus, et Allah est puissant et sage. D'accord. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit quoi? Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma, que dis-tu de deux dont le troisième est Allah? Les savants, ils ont dit quoi? Le prophète alayhi salam, il n'a pas dit, que dis-tu de Abu Bakr et du prophète dont le troisième est Allah Azza wa Jal. Il n'a pas cité les noms. Pour rappeler que quoi? Ça, c'est général pour toute époque et pour toute personne. À partir du moment où tu es deux, n'oublie pas que Allah est le troisième. Donc il a dit, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma. Quand tu es tout seul, Allah il te voit. Quand tu es avec deux, le troisième c'est Allah. Tu es trois, le quatrième c'est Allah. Tu es cinq, le sixième c'est Allah. Allah est avec toi. Allahu ma'ak. Bihifdhi. Wa bi'ilmih. Wa biquwati. Wa bi'izzati. Walakin Allah azza wa jal istawa ala l'arsh fawqa sab'a samawat. D'accord? Ça c'est par sa puissance, par sa science. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, yani, bi'dhatihi, donc c'est-à-dire par son essence ou avec son essence Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même Allah azza wa jal est au-dessus des sept cieux établis sur son trône, bien sûr. D'accord? Quand on dit Allahu ma'ak, d'accord, ce n'est pas Allah Azza wa Jal est avec toi, yani, on ne parle pas de son entité. D'accord, mais on parle de quoi? Sa science, son soutien, son secours, sa yani, protection, etc. D'accord. Et donc, ils étaient dans cette grotte-là qui est à peu près à 5 ou 7 kilomètres de la Mecque. Et donc, ces personnes-là ont fait demi-tour. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal leur a permis d'être secourus. Et à ce moment-là, il y a au bout de la troisième nuit, cette personne-là qui était leur guide, qui est venue les rejoindre avec les deux chameaux, et ils ont pris le chemin pour Al-Madina. Ils ont pris le chemin pour Al-Madina, et pendant la route, il y a une personne qui est partie les rejoindre, et on verra ça après, c'est Suraqa ibn Malik radiyallahu anhu. D'accord? Avant qu'il rentre en islam, rapporté par l'imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qui est parti les rejoindre et qui les a trouvés. Il les a trouvés après que quoi? Après qu'il y ait des personnes qui ont été lui donner des renseignements à Suraqa. Ils ont dit, nous on sait, il y a une personne qui a dit à Suraqa dans Sahih al-Bukhari, on sait vers où il est parti le prophète alayhi salatu wasalam avec Abu Bakr, vers tel endroit. Suraqa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais le détourner, pourquoi? Pour avoir moi la rançon. Il a dit, mais non, je sais c'est qui est parti, c'est Foulen ibn Foulen, c'est un tel fils d'un tel et un tel fils d'un tel, exprès, parce que lui il s'est dit, moi c'est moi qui va prendre la rançon. Donc regardez, et ici quand il est parti le rejoindre, donc Suraqa est parti le rejoindre avec son cheval, et proche du prophète alayhi salatu wasalam, à deux reprises son cheval là, l'a fait tomber. Et à ce moment-là, il a dit, je savais qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait. Je savais qu'il y avait vraiment quelque chose qui m'empêchait de rejoindre cet homme-là, c'est-à-dire le prophète alayhi salam et Abu Bakr. Donc il avait senti ça, il se sentait, mais il a dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui m'empêche de les approcher. Regardez, Allah azza wa jal les a protégés. Mais est-ce qu'ils ont fait les causes pour être protégés de Suraqa? Ils ont fait les causes, c'est-à-dire ils ont fait les causes, ce qui était en leur capacité. Écoutez bien, pour terminer ici, les savants, ils ont dit, quand tu prends toutes les causes, yani, tu as fait toutes les causes, quand tu veux entreprendre un projet ou une quelconque affaire, et que tu as mis en place toutes les causes qui étaient en ta capacité, tu as fait toutes les causes qui étaient possibles, d'accord, selon tes capacités, et qu'ensuite, il y avait les portes qui se fermaient, attends-toi à recevoir an-nasr min Allah azza wa jalla, le secours d'Allah azza wa jalla. Quand les causes d'ici-bas sont terminées, il y a les causes de l'au-delà qui descendent. Allah Azza wa Jalla l'a envoyé quoi? Al-Malaika. Vers qui? Vers Abu Bakr et le prophète alayhi salatu wasalam, comme on a vu dans le verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala l'a soutenu, comme on le verra par la suite dans beaucoup de ghazawat. As-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ainsi que le prophète, surtout dans ghazawat Badr, donc dans l'expédition de Badr, il a envoyé Al-Malaika avec eux, à leur tête Jibril et Mikaïl. Pourquoi? Quand les causes, asbab ad-dunya, yani, ils ont été accomplis et complètes comme il se doit, attends-toi aux causes de l'akhirah et ne désespère pas. La ta'is, wa la tahzan, wa la takhaf. Ne t'afflige pas et sache que bi'idnillah, si tu as utilisé les causes, ash-shar'i, comme il se doit, et tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal, et tu as la certitude en Allah Azza wa Jal, t'inquiète pas, attends-toi à quoi? Au secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne désespère pas. Parce que ça, fattaqullah mastata'tum, tu peux plus rien faire, lakin Allah a vu que tu as fait les causes, tu places ta confiance en Allah, Allah Azza wa Jal fait descendre son secours, comme il l'a fait ici avec cette personne qui était Suraqa ibn Malik radiyallahu anhu warda, wallahu ta'ala a'lamu ahkam, wa sallallahu wa sallim wa zidu barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.